Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. L'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Mais je le voudrais aussi, c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Messieurs, eh bien, messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment? Mais comment appelez-vous ça? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Ah, vous nous y voyez préparés? Oh, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Oui, et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller quand on m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Et tout ce qu'il vous plaira. Oh, vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire. C'est indienne, si. Elle est fort belle. Ça, oui, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme ça dès le matin. Cela vous sied à merveille. Laquais ! Hola ! Mais de laquais ! Que voulez-vous, monsieur ? Rien. Non, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Alors, et que dites-vous de mes livrées ? Ils sont magnifiques. Tenez. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Non, il est galant. Laquais ! Monsieur ? Non, l'autre laquais. Monsieur ? Tenez ma robe. Tenez, là, bien, merci, bien, très bien. Merci. Alors, me trouvez-vous bien comme cela ? Bien. On ne peut pas mieux. Bon, eh bien. Voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous m'avez demandé. C'est un de mes écoliers qui a pour ces sortes de choses un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire ça par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Mais il ne vaut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres et l'air est aussi beau qu'ils s'en puissent faire. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Voilà, monsieur. Voilà. Yes. Longue nuit et jour. Attendez. Non, je crois que je serais mieux sans robe. Voilà. Longue nuit et jour et mon mal. Non, redonnez-la-moi. Non, ça ira mieux. Redonnez-la. Voilà. Je languis nuit et jour et mon mal est extrême, béliris. Je maudis ce grand amour et ses yeux, les traîtres qui m'ont pris. Cette chanson me semble un peu lugubre et l'endort. Je voudrais que vous la puissiez un peu regaillardir par-ci, par-là. Oh, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Comment est-ce qu'il dit? Attendez, mais non, il y a du mouton dedans. Du mouton? Oui. Voilà. Je croyais Jeanne ton aussi douce que belle. Je croyais Jeanne ton plus douce qu'un mouton. Mouton. Hélas. Elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle. Que naît le tigre au bois.

Est-ce tout? Oui. Je trouve cela bien troussé. Il y a là-dedans deux petits dictons assez jolis. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sans corps de berger. Oh, ben, c'est ce qu'il vous plaira. Allons. Voilà qui n'est point sot. Et ces gens-là se trémoussent bien. Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore. Et vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. Bah, c'est pour 30 ans au moins. Et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela me doit faire l'honneur de venir dîner séant. Tout est prêt. Oui. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Il faut qu'une personne comme vous, qui êtes magnifique et qui avait de l'inclination pour les belles choses, est un concert de musique chez soi tous les mercredis ou tous les jeudis. Mais est-ce que les gens de qualité en ont? Oui, monsieur. Mais cela sera-t-il beau? Sans doute. Il vous faudra trois voix. Un dessus, une haute contre et une basse qui seront accompagnées d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles. Et il y faudra mettre aussi une trompette marine. La trompette marine est un instrument qui me plaît et qui est harmonieux. Laissez-nous gouverner les choses. Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens pour chanter à table. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Mais surtout, surtout que le ballet soit beau. Vous en serez content. Et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Les menuets sont ma danse. Et je veux que vous me les voyez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît. Voici, chapeau. Merci. Alors, placez-vous, monsieur. Oui. Le corps droit, la tête haute. Oui. L'œil éveillé, le sourire sur les lèvres. Oui. Très bien. Troisième position, le talon à la rosette du soulier. Hop, très bien. Voilà. Effacez vos épaules. Soutenez vos coudes. Son raideur, la poitrine en avant. La poitrine, pas le ventre. Écartez le petit doigt. Oui. Souriez. Bon, c'est ce que nous appelons de la grâce. Nous saluons du bras droit. Ainsi. Un, deux, trois. Et quatre. Ouais. Pour le bras gauche, le coude à la hauteur de l'épaule, monsieur. En passant la main devant vous, vous déployez le bras dans toute sa longueur pour présenter en souriant la main à la dame. Ainsi, madame. Eh bien, moi seul une fois, pour la mémoire. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la. À vous, monsieur. À moi. Placez-vous bien, monsieur. Oui, oui. Là. Là. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Très bien, monsieur. Ensemble maintenant, voulez-vous, monsieur. Tenez-vous droit, le corps sur la jambe qui est derrière, monsieur. Le menton à l'épaule, regardez-moi. Voilà. Oui. Souriez. Voilà. Très bien. Alors, partout, deux pas en avant, monsieur. Oui. En cadence. En cadence. La, la, la, la, la, la, la, en cadence, s'il vous plaît. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fond de bras sont estropiés. La, la, la, la, hausse la tête, tourne la pointe du pied. La, la, redressez votre corps. La, la, la, la, la, la, c'est à merveille. La, la, assemblée soutenue en tournant, monsieur, des demi-pointes, tournez, tournez, tournez, tournez, tournez, monsieur, bon, saluez, souriez, fort bien, monsieur, on ne peut pas mieux. Ah, ouf. Voilà oh. Qui est le mieux du monde. À propos, apprenez-moi comme il faut faire une révérence. Pour saluer une marquise, j'en aurai besoin tantôt. Une révérence pour saluer une marquise. Oui, oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Oui, donnez-moi la main. Oh non, non, non, vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien. Bon. Eh bien, si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect... Ah, beaucoup, beaucoup. Bon. Eh bien, il faut faire d'abord une révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, en et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Ah. Oui. Eh bien, faites un peu. Très bien, oui. Faites un peu. Vous voyez, pour ma révérence en arrière, monsieur, j'incline mon corps en avant. Oui. En avant, oui. Je dégage ma jambe en quatrième position derrière la droite et je redresse mon corps en tendant légèrement le jarret et la pointe du pied droit. Ah. Ainsi. Oui. Oui. Oui. Comme ça. Alors, première révérence. Première. Attention, oui. Partez. Voilà. Partez. Oui. Pied droit. Le pied droit. Un, deux, trois. Arrondissez les épaules, monsieur. Oui. Écartez le petit doigt. Le petit doigt. Saluez. Oui. Très bien, monsieur. Oui. Parfait. Seconde révérence. Ouais. Partez, monsieur. Un, deux. Saluez plus bas, monsieur, pour cette seconde révérence. Oui. Oui. Trois. Très bien. Bon, eh bien, relevez-vous, monsieur. Là, vous vous relevez lentement. La lenteur est la marque du respect. Ah, oui. Troisième révérence. Partez du pied droit. Le pied droit, le premier, monsieur. Un, deux, glissez, monsieur. Oui. De l'huile, monsieur, de l'huile. Souriez. Le petit doigt. Enflez bien vos coudes, monsieur. Arrondissez les épaules. Saluez. Plus bas pour cette dernière révérence. La tête à mes genoux, monsieur. Voilà. Oh, oh, mais relevez-vous, monsieur. Oh, monsieur, la main sur le cœur. Souriez. Bravo, monsieur, c'est à merveille. Ah, seulement, il ne fallait pas laisser votre chapeau sur votre tête. Ah, voilà votre maître d'armes qui est là. Et le maître d'armes... Mais bon, ben, dis-lui qu'il entre ici pour me donner le sang. Je veux que vous me voyez faire. Allons, monsieur, la révérence. Encore, droit, un peu penché sur la cuisse gauche. aux jambes pointantes écartées, aux pieds sur une même ligne. Voilà. Votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez, le corps ferme. Touchez-moi l'épée de tarte et achevez de même. Une, deux, retirez-vous, redoublez le pied, un saut en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Une, deux, allons, touchez-moi les petites pierres et achevez de même. Une, deux, avancez, le corps ferme, avancez, partez de là. Une, deux, retirez-vous, redoublez, un saut en arrière. Regarde, monsieur, regarde, touchez-moi. Une, deux, retirez-vous, avancez. Ouf, vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit. Le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À tenir et à ne point se voir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez, si vous savez détourner l'épée de votre ennemi, de la ligne de votre corps. Ce qui ne dépend que d'un petit mouvement de poignet, ou en dedans, ou en dehors. Ah oui, mais de cette façon dont... Un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Sans doute. N'envitez-vous pas la démonstration. Oui. Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres, nous devons être dans un état. Et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, l'art. Monsieur le tireur d'armes, ne parlez de la danse qu'avec raison. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisants gens. De vouloir comparer vos sciences à la mienne. Vous voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal, avec son plastron. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la belle manière. Je suis le batteur de frère. Je vous apprendrai votre métier. Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la carte, et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Tout d'où vous dites? Mon petit impertinent. Et mon maître d'armes. Mon cheval de carte. Et mon maître d'armes. Si je me jette sur vous, doucement. Si je mets sur vous la main, tout beau. Oh, je vous étrillerai d'honneur. De grâce. On resterait d'une manière. Non, je vous prie. Laissez-nous un peu lui apprendre à parler. Mon Dieu, arrêtez-vous. Vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci. Mais qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Mais quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous pas lu le docteur traité que ce n'est qu'à composer de la colère? Il n'y a rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce. Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce. Et la musique dont vous fait professeur. Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la passion. Ils ont tous de l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Mais faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Considérer que la modération est la passion. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que tous les siècles ont révélée. Et moi, je leur soutiens à tous les deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Quoi? Je vous trouve tout droit bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance. De donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom d'un métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladeur. Assez, assez. Philosophe de chien. Non, de pédant. Comment vous poussez? Monsieur le philosophe, la peste de l'animal. Monsieur le philosophe, messieurs, voyons. Oh, battez-vous tant qu'il vous plaira, je n'y saurai que faire, et je n'irai pas gâter ma robe pour vous séparer. Voyons, je serais bien fou de m'aller fourrer parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Ah. Ah. Ah.

Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Mais ben, est-ce qu'il faut dire cela? Oui, vraiment, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Ah, comment? Les personnes de qualité portent les fleurs en bas? Oui, monsieur. Ah, bah voilà qui est donc bien. Si vous voulez, je les mettrai en haut. Non. Vous n'avez qu'à dire. Oh non, vous dis-je non, vous avez bien fait. Non, alors, et croyez-vous que l'habit m'aille bien, hein? Belle demande. Bon. Mais je défie un peintre avec son pinceau de vous faire rien de plus juste. Mmh. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter le rein grave, est le plus grand génie du monde. Et un autre qui, pour assembler un pourpoint, est le héros de notre Et la perruque et les plumes, sont-elles comme il faut? Tout est bien. Mais qu'est-ce cela, monsieur le tailleur? Mais dites-nous, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous m'avez fait. Je la reconnais bien. Oui, mais c'est que l'étoffe me sembla si belle que j'en ai voulu lever un habit pour moi. Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien. Voulez-vous mettre votre habit? Oui, ça donnez-le moi. Attendez. Voilà. Ça ne va pas comme ça. Hein? J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Hein? Et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Oula, entrez vous autres. Voilà, monsieur. Voilà. Mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Donnez s'il vous plaît au garçon quelque chose pour boire. Comment m'appelez-vous? Mon gentilhomme. Mon gentilhomme, voilà ce que c'est de se mettre en personne de qualité. Allez-vous en demeurer toujours habillé en bourgeois. On ne vous dira point, mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Monseigneur, nous vous sommes bien obligés. Monseigneur, Monseigneur, attendez mon ami, attendez. Monseigneur mérite quelque chose et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur. Tenez, voilà ce que Monseigneur vous donne. Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de votre grandeur. Votre grandeur? Oh, attendez, ne vous en allez pas. À moi, votre grandeur. Ah, ma foi, s'il va jusqu'à l'altesse, il aura toute la bourse. Tenez, voilà pour ma grande. Monseigneur, nous la remercions très humblement de cette libéralité. Oui, monseigneur, il a bien fait, je lui allais tout donner. Laquais, suivez-moi que j'aille un peu montrer mon habit par la ville. Et surtout, ayez soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, hein, afin qu'on voit bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà. Nicole. L'est-il ? Nicole, écoutez. Eh ben, qu'as-tu à rire ? Que veut dire cette coquine-là ? Alors, ben... Oh, voilà, voici. Mais comment donc ? Oh, mon Dieu ! Quel friponne est-ce là ? Te moques-tu de moi ? Oh, j'ai dit, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Oh, monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Mais tu ne t'arrêteras pas. Oh, monsieur, je ne puis pas, pardon. Vous êtes si plaisant. Je ne saurais me dire de rire. Mais voyez quelle insolence. Oh, vous êtes tout à fait drôle comme ça. Ah, je te... Nicole, je vais m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui soit jamais donné. Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Prends-y garde bien, hein. Il faut que pour tantôt, tu nettoies, que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et que... Encore. Oh, oh. Battez-moi plutôt et me laissez rire tout le monde. Si vous en frappez bien. J'en rage. Oh. Vous pouvez me laisser rire. Si je te prends, tu m'en prends. Si je te prends. Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui vient rire insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres? Que voulez-vous que je fasse, monsieur? Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, oui. Pour ma part, j'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant. Ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Je voudrais au moins la fermer à certaines gens. Ah, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Comment? Vous moquez-vous du monde, de vous être fait enharnacher de la salle? Et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Oh, vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Mais qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisé de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant en carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de chanteurs dont tout le voisinage se trouve accommodé. Comment... Madame, parle bien. Je ne saurais plus faire mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir chez vous. Ah. Mais ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent frotter régulièrement tous les jours. Mais ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison. Et son sens est meilleur que le vôtre. Ah. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. J'ai d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied et branler toute la maison et nous déraciner tous les carillons de notre sol. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de chance? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous êtes des ignorantes, l'une et l'autre. Et vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore vous dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Oh. Mais fort bien. Mais oui, je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner des choses parmi les honnêtes gens. Irez-vous voir l'un de ces jours au collège, vous faire donner le fouet, à votre âge? Mais pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure le fouet devant tout le monde et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, ma foi, ça vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout ça est fort nécessaire pour conduire votre maison. Ben assurément, vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que vous dites à cette heure? Oui, je sais ce que je dis et fort bien dit. Et que vous devriez songer à vivre d'autres sens. Je ne parle pas de ça. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère. Je ne vous parle pas de ça, vous dis-je. Je vous demande ce que je parle avec vous, ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est?

Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents. Et qu'elle ait des enfants qui ont honte de m'appeler leur grand-maman. Bah, ouais. S'il fallait qu'elle visiter en équipage de grandes dames, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans assise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de Monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Oui. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà. Et c'est donc grand-père vendait du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche à être honnête, Jean. Ouais, oui. Je ne veux point de tous ces caquets. Et je veux un homme en un mot qui mette obligation de ma fille. Et à qui je puisse dire, mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Oh. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Oh. Et si vous me mettiez en colère, je la ferai du cher. Oh, madame. Cléante, ne perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Oui. Vous avez fait de belles affaires avec vos sentiments. Mais que veux-tu, j'ai un scrupule là-dessus que l'exemple ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme ça? Ne voyez-vous pas qu'il est fou? Et vous en coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ses humeurs? Tu as raison, mais je ne croyais pas qu'il fallut faire ses preuves de noblesse pour être gendre de Monsieur Jourdain. De quoi ris-tu? D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme. Hein? Et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Mais comment? L'idée est tout à fait plaisante. Quoi donc? Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici. Oui. Et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. Hein? Tout ça sent un peu sa comédie, mais avec lui on peut hasarder toute chose. Mm. Il faut pouvoir chercher tant de façons. Et il est homme à y jouer son rôle à merveille. Ah. À donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts. Laissez-moi faire seulement. Oui, mais apprends-moi. Je vais vous instruire de tout. Retirons-nous, le voici qui vient. Oh, que diable cela! Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de si beau que de hanter les grands seigneurs. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'il m'eût coûté deux doigts de la main être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qu'il mène par la main. Oh, mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à l'heure. Monsieur dit comme cela qu'il va venir tout à l'heure. Voilà qui est bien. Une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler, puisque, pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Et vous ne me dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. J'ai beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé, les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont pris les sérénades, que les présents suivent. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez pas, et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien. Mais je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage, dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous, je suis maître de moi. Et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous ne fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu de rente, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine

Magnifique. Ok, madame. Et je voudrais qu'il fût digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte. Il m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous être offert. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas savant. Et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Voilà, mais oui. Si Tamis s'en était mêlé, tout serait des règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Et il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait. Et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. Ah, de vous parler d'un pain de riz, d'un bison doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent, d'un vin à sel. Armé d'un verre qui pointe au commandant. Ah, oui. D'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d'amande. De perdrix relevés d'un fumet surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perdu soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs, marié avec la chicorée. Oui, oui, oh. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance, et comme M. Jourdain fort bien dit, je voudrais que le repas fût digne de vous être offert. Je ne réponds à ces compliments qu'en mangeant comme je le fais. Ah, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, M. Jourdain. Du diamant qui est fort beau. Moi, madame, oh Dieu, garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme. Et le diamant est fort peu de chose. Ah, vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront la grâce de nous danser un air de ballet. Oh, c'est merveilleusement assaisonné, la bonne chère que tu mêlais la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prête ton silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Thank you.

gentilhomme parisien. Le fils du grand turc d'Isla de Bois. Oui, et comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, « Oh, me dit-il, Marababassem, c'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. » Oui, Marababassem veut dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Eh oui. Par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi, je n'aurais jamais cru que ce Marababassem eût voulu dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Ah, voilà une langue admirable que ce turc. Oh, mais plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Karakakabouchen? Karakakabouchen? Non. Oui. Non. Eh bien, c'est-à-dire ma chère âme. Karakakabouchen veut dire ma chère âme. Oui. Voilà qui est merveilleux. Karakakabouchen, ma chère âme. Dirait-on jamais cela? Ah, vous, voilà qui me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et pour avoir un beau père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi? Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin. Paladin, oui, ce sont ces anciens... paladins, enfin. Oui, oui, oui, oui. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde, et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Oh, le fils du grand turc m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Mais comment le voilà qui va venir ici? Il va venir ici? Oui, et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Mais voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Mais tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opinion qui s'est allé mettre dans la tête un certain Cléronte. Elle jure de n'épouser personne que celui-là. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand turc. Et puis ils se rencontrent ici une aventure merveilleuse. Ah. C'est que le fils du grand turc ressemble à ce Cléonte à peu de choses près. Ah. Je viens de le voir, on me l'a montré. Oui. Et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Oui. Je l'entends venir. Oui. Le voilà. Oui. Mamboussaïma qui borra fjordina salamaleke. C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ils se sont façon de parler obligeante de ce pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Carigar comboto ustin moras. Ah, ustinio catalameque barzum baleazamoran. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Son Altesse turque m'honore trop, je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osa bilamen sadok babali ora kapuram. Belmen. Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Comment tant de choses en deux mots? Oui, la langue turque est comme ça, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quel dupe! Quand il aurait appris ce rôle par cœur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Je vous prie, monsieur de Rente, de vouloir vous aider, séant dans une affaire qui se passe. Oh, Coviel, qui t'a reconnu, comme te voilà ajusté. Vous voyez? De quoi ris-tu? D'une chose, monsieur, qu'il mérite bien. Ah, comment? Je vous le donnerai en bien des fois, monsieur, à deviner le stratagème dont nous nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Je ne devine pas le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire son effet, puisque tu l'entreprends. Je sais, monsieur, que la bête vous est connue. Apprends-moi ce que c'est. Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin pour faire place à ce que j'aperçois bien. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le reste. Thank you. sabir si respondir. Se non sabir, tazir, tazir, tazir. Si non intendir tazir, tazir, tazir, tazir, tazir. Dicetur que quista quista Anna Battista, Anna Battista, ciclista, fita, usita, morrista, promista, stravaganna, luterana, puritana, bramina, morfina, zurina, mahometana, mahometana, evana, evana, como chamara, como chamara, giallina, giallina. Di Giordina, di Giordina, dar turbanta e dar scarpina, con galera e brigantina, per difender Palestina. Mahometa per Giordina, mi pregar serra e mattina, star buon turca Giordina. Star buon turca Giordina, Giordina. Evvada, evvada. Arababa, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, ubaba, thank you.

voilà votre fille qui consente aux volontés de son père. Ma fille consente à épouser un Turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléonte? Mais ne le fait-on pas pour être grande dame? Je l'étranglerais de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Oh, voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Oh, que de bruit. Allez, vous êtes une coquine. Quoi, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous. Madame. Comme voulez-vous compter, vous? Un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je n'y consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas écouter. Il vous dira. Je ne veux point qu'il me dise rien. Voilà une grande obstination de femme. Cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien quoi? Madame, que nous vous enseigne. Ne voyez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mère, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du grand Turc, et moi, Coviel, qui suis le truchement. Comme ça, je mens. Ne faites pas semblant de rien. Oui, oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, eh bien, voilà. Voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, hein? Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand Turc. Il a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un notaire. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, madame et moi. Je consens aussi à cela. Oui, mais c'est pour lui faire accroire, hein? N'est-ce pas? Il faut bien l'amuser. Ah, oui, oui, bon. Alors, on aille quérir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il endressera les contrats, voyons notre balai. Oui. Donnons-en le divertissement à son Altesse Turc. C'est fort bien avisé. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. Et Nicole? Je la donne au truchement et ma femme à qui la voudra. Monsieur, je vous remercie. Mais si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. La radiodiffusion française vient de présenter la première audition en France du bourgeois gentilhomme de Molière avec la musique de scène de Richard Strauss. Voici quelle en était la distribution. Françoise Roset était Madame Jourdain. Madeleine Renaud, Dorimène. Jeanne Marquen, Nicole. Simone Valère, Lucille. Et Pierre Larquet, Monsieur Jourdain. Marcel Errant, le maître de philosophie. André Bruneau, Coviel. Pierre Bertin, le maître à danser. Louis Ducreux, Cléonte. Maurice Ténac, Dorante. Henri Vilbert, le maître de musique. Marcel Pérez, le maître d'armes. Jacques Castelot, le maître tailleur. Edmond Beauchamp, le valet de Monsieur Jourdain. Jean-Paul Coquelin, le garçon tailleur. L'orchestre radio-symphonique était dirigé par Jean Clergue, avec le concours pour le chant de Jeanne Roland de l'Opéra Comique, d'Yvonne Cork de l'Opéra, Louis Noguera de l'Opéra, Jean Vieuil de l'Opéra Comique et la chorale Louis Volman. Les études musicales furent dirigées par Jean-Armand Petit et supervisées par Gustave Samazeuil. La traduction française des intermèdes était due à Frédéric Goldbeck. Assistant de production Michel Godard. Prise de son des dialogues par Jean Jouve et de la musique par Émile Crégu. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.